j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cette foutue horloge. Dans cette horloge-là, je ne sais même pas ce que c'est. Moi aussi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette foutue horloge.